sorcière, ses frissons et rigounets. Rendez-vous au samedi tantôt pour des valses et des tangos. Dimanche matin, on se réveille en écoutant Arc-en-Ciel. On fredonne pendant des heures des chansons et c'est le bonheur. J'écoute radio Arc-en-Ciel, la voix joyeuse de Michel. Dès qu'on l'entend, c'est solennel, la vie alors est plus belle. J'écoute radio Arc-en-Ciel, et cela toutes les semaines. Venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. L'accordéon est en fête, chez moi résonne le musette. Je sais que toute la journée, comme un pinson, je vais chanter. Même si on a des tracas pendant tous ces moments-là, le rire et la bonne humeur réchaufferont nos petits cœurs. J'écoute radio Arc-en-Ciel, la voix joyeuse de Michel. Dès qu'on l'entend, c'est le soleil, la vie alors est plus belle. J'écoute radio Arc-en-Ciel, et cela toutes les semaines. Venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. Arc-en-Ciel, il est 16h quelques minutes, 25 minutes ou 23 minutes, voilà. Avec un peu de retard, comme la semaine dernière. Ils copient tous les uns sur les autres. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi. Et je suis là, à votre compagnie jusqu'à 18h. Et sous la toute les semaines, venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. Eh bien voilà, sur Radio Arc-en-Ciel, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une accordéoniste du Pitivray, comme on dit, on l'appelle la princesse de l'accordéon du Pitivray. Je crois que c'est vrai. Et c'est Maddy Musette, de son vrai prénom, Madeline. Bonjour, bonjour Michel, et bonjour aux auditeurs. Comment tu vas? Eh bien, ça va très très bien. Ça va bien? Toujours, même si ça va pas, ça va. Oui, ben, il faut que ça aille, faut que ça aille. Tout à fait. Alors, c'est la princesse de l'accordéon, on t'appelle maintenant... Ben c'est Maurice Larchange en fait, hein, qui m'a. C'est Momo. C'est Momo qui m'a décerné ce petit nom. Même Maddy Musette, c'est lui qui m'a appelé comme ça. J'ai un souvenir personnel de. J'avais invité Michel Pruvot, oui, pour le faire à l'époque. D'ailleurs, ça s'est pas fait. Il venait au Zénith et j'ai dit, écoute, tu viens une heure plus tôt. On fera un enregistrement. Je diffuserai la semaine suivante. Et 5 minutes après, j'ai reçu un coup de téléphone de Madame, je sais plus comment, qui me dit. Il y a un manquant ce soir, il vient de décéder, c'est Maurice Larchange. Oui. Ah, toi, je me rappelle de ça. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours. Il était né le 20 août, comme moi, bon, pas la même année, bien évidemment, non, bah, mais oui, je m'en suis le 20 août, et c'est vrai que donc chaque année, on s'envoyait mutuellement des petits cadeaux. C'est un échange sans danse, ouais, quoi. Oui, oui, oui. Et bah, c'était, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a énormément appris, mm-hmm, et c'était un petit peu un mentor pour moi, c'est vrai. Les petits pontiges. Non, j'ai pas fait des petits points. Enfin, il a fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que moi, bon, je suis quand même beaucoup plus jeune que cette génération des petits prodiges, ouais, etc. Donc, j'ai fait pas mal de projets avec lui, des compiles. Donc, il y a eu les Gladiateurs de l'accordéon, Nouvelle France de l'accordéon, les Princesses de l'accordéon, etc. Il y a eu pas mal de choses. On a composé des morceaux ensemble également. Et c'est vrai qu'il a fait énormément pour l'accordéon. Ce qui est agréable avec toi, c'est que j'ai pas besoin de parler beaucoup. Je te laisse parler. Je meuble. Bon, comment tu vas par ça? Eh bien, tout va très très bien. Tout va très bien. Super. Il paraît qu'il te promène beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais la semaine dernière, j'étais à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne. Il y en a beaucoup qui vont à Saint-Dizier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ben, Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, il y a quand même pas mal de thé dansant. Ah, ça bouge énormément, ouais. Ça ressemble un peu à l'Auvergne. Ça ressemble à l'Auvergne. Oui, si on peut dire. Si on peut dire, hein. Ouais. Non, je parle au point de vue, t'es dansant, au point de vue... Ouais, non, c'est vrai que ça bouge énormément dans le 51, 52. J'ai beaucoup dans le 51, 52, 55 également. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Malheureusement, c'est vrai que dans notre région, il y a quelques t'es dansants, mais il y a quand même... il y a pas beaucoup de dancing, quoi. Et c'est vrai que dans ces régions-là, il y a énormément de dancing, donc ce qui permet de faire danser les gens, en bien fait, sûr, en semaine et même le week-end. Quoi. Ah bah, tu sais, Orléans, il n'y en a plus qu'un. Mais voilà, c'est ça, et ça se perd de plus en plus, malheureusement. Et on ne tourne jamais à Orléans, c'est marrant. Et non, nul n'est prophète de son pays, comme on dit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... J'ai connu un accordéoniste qui s'appelait Jean-Désiré Bailly, tu as au moins entendu parler de lui. Oui. Il me disait toujours, dans le Cher, je ne travaille pas du tout. Voilà, et moi, dans le Loiret, je travaille, mais alors, j'ai plus travaillé du côté de Montargis. Oui, bien sûr, à l'est du département. Voilà, mais c'est vrai que du côté d'Orléans, non. Par contre, il travaillait souvent à Mulsanne, à côté du Mont. Oui, Mulsanne, on a fait le grand gala l'année dernière avec mes musiciens. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, mais après, c'est les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Ouh, oui, voilà. Merci. J'ai beaucoup voyagé. Et ben voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais comme t'as ressorti des CD, toi? Non, j'ai pas ressorti de CD. Alors j'ai un projet de avec mes musiciens, puisque ça fait quand même assez longtemps que je tourne avec le même pianiste. Ça fait 12 ans que je suis avec le même pianiste. Ça fait 10 ans que je suis avec le même batteur. Presque autant d'années que je joue avec le même saxophoniste, guitariste et trompettiste. Donc le projet que j'ai, c'est de faire en fait un album enregistré avec mes musiciens, tout simplement. Voilà. Pas de DVD? Pas de des DVD, il y en a eu avec Maurice Larkoge, etc. Mais tout a été vendu. Hein. Comme mes CD que vous possédez, là, tout a été vendu. Bien j'en ai pas ressorti. Ouais. Donc, t'es content de ton boulot? Ah, moi, je suis très contente. J'adore la musique. J'adore faire danser les gens. Et t'as commencé à quel âge, je me rappelle? J'ai commencé assez tard, j'avais 11 ans et demi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En général, c'est 7 ans, 8 ans. Mais c'est ça, ouais, j'ai enseigné aussi. En général, oui, c'est même 5-6 ans. Mais c'est un petit peu tôt, hein, 5 ans, je trouve. Mais ouais, ça fait un petit peu tard, 11 ans et demi. Mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Donc, j'ai eu énormément de chance. T'as pas essayé d'être professeur de musique? Si, j'ai mes diplômes. J'ai enseigné pendant plusieurs années à Ballancourt-sur-Essonne, à Méréville et à Sacla, donc dans le 91. Et puis là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. J'ai voulu prendre une pause puisque les élèves ne comblaient pas mes attentes, tout simplement sur les élèves que j'avais. Il y avait vraiment 3 élèves qui travaillaient. C'est même pas ça, c'est qu'il y avait que 3 élèves réellement qui travaillaient, qui avaient du potentiel, et les autres étaient là un petit peu avec les parents en garderie. Donc, pour s'amuser, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Alors après, j'ai mes diplômes, donc rien n'est dit, j'enseignerai peut-être encore par la suite. Mais pour l'instant, je me consacre vraiment à l'orchestre et au gala. D'accord. Tu composes, non? Oui, je compose, bien sûr. Bien sûr. Des bêtises, non? Non, des boléros, des chansons d'amour, j'adore. Oui, j'adore. Moi aussi. Je commencerai même avec une composition, si vous voulez. Ah oui, absolument. Voilà. Ah ben, on va t'écouter. D'accord, ben je vais commencer avec un petit boléro qui s'appelle le boléro de l'amitié. C'est une composition. Ben, c'est très bien. Allez, on y va. Thank you. Et voilà, ce petit donc boléro s'appelle le boléro de l'amitié. Et c'est un boléro que j'ai composé avec le petit-fils André Trichot, qui s'appelle Cédric Ladruze. Voilà, voilà. Sa fille, elle s'appelle comment déjà ? Il s'appelle Cédric Ladruze, le petit-fils. Non, non, mais il a une fille aussi qui joue. Ah, Isoline. Isoline, ouais. Voilà. Tout à fait, ouais, ouais. Je ne sais pas s'il présente toujours des émissions d'accordéon sur France Bleu Boxeur. Je crois que c'est fini, il me semble. Ah bon, c'est fini ? Il me semble qu'il a arrêté, ouais. Bah, tu sais, j'ai l'impression que l'accordéon, dans les radios, c'est... Ah, mais je c'est... sais que dans le coin, ouais. On est les seuls maintenant. Ouais. Mais c'est pareil à Auxerre, enfin c'était même à, pas Auxerre, c'était à Migennes, la radio. La Roche Migennes. Ouais, il a arrêté André, ouais. Ah oui. Ouais, il a arrêté, ouais. Si, il y a France Bleu Berry encore, je crois, avec Brocolésier. Oui, je crois que ça continue, ah, ouais, ah. Tout à fait. Bon, alors pendant qu'on parle, oui, je vais te poser une question. Tu connais Phil Bouvier ? Oui. C'est de ton époque. Il est un petit peu plus âgé, mais c'est de mon époque, ouais, je le connais bien. Époque, ouais. Hein. Oh, ouais. C'est l'époque à Olivier Sélac. Olivier Sélac, que aussi, tu connais. Ouais, on a fait des émissions ensemble ici. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, on va écouter les violons espagnols. C'est parti. Ça fait drôle, hein ? Mais c'est comme ça. Continuer avec Phil Bouvier, parce qu'il y a un monsieur qui téléphone à côté de moi, puis il raconte sa vie, alors... 96.2. La FM en couleur. On va continuer avec notre petite invitée d'aujourd'hui. Je dis petite parce qu'on est petits tous les deux et on ne se voit pas. C'est vrai. On se voit pas. Mais tout ce qui est petit est mignon, Michel. Il paraît. C'est ce qu'on dit. Plus c'est petit, plus c'est mignon. C'est ce qu'on dit. Ah, pas, j'ai des chances. C'est ce qu'on dit. Bon, vous allez vous taire tous les deux. Merci. Alors, on se croirait au foirail à Pithiviers. Ouais. Place du Martrois. Voilà. C'est vrai qu'il y a la place du Martrois à Pithiviers. Il y a une place du Martrois à Pithiviers. Elle est toujours là. Voilà. J'ai relevé sur ton site, je crois, oui, une princesse évoquant son royaume. Ah. T'es au courant? T'es pas au courant de ça? Ah non, du tout. Et je peux pas te le montrer parce que j'ai un problème informatique à droite. Ça là, je l'aurais montré. Ouais, mais j'irai voir par moi-même. Ben oui. Plus tard. Je sais pas quel royaume. T'as un royaume à Briard? Oh, j'ai pas un royaume à Briard, mais bof. Oui. Un royaume, ça serait quand même un petit peu exagéré. Oui, mais c'est un peu trop. Oui. Un peu trop. Bon, j'ai vu que tu te déplaçais avec un orchestre de 3 à 6 musiciens. Tout à fait, ouais. Voilà. Mm-hmm. Et tu faisais de nombreux voyages. De nombreux voyages, oui, on va en Espagne. Et tu étais bien payé. Et que tu plaçais ton argent en Suisse ou au Liechtenstein. Tout à fait, c'est ça, ouais. D'accord. Je suis comme M. Cahuzac. Ah oui. Pareil. Hein. Ben lui, là-haut, et par contre. Et par contre, je me méfie parce que je risque d'être condamné, mais pas lui. C'est là le problème. Chut, je me tais. Il y a déjà un chez Renault qui a des problèmes, alors. Voilà. Faire attention. Hein. Bon, allez, travaille un petit peu. Allez, ben, je vais vous faire une petite valse que. C'est marrant, tous les accordéonistes que j'invite me disent une petite ou un petit. Oui, oui. Hein, c'est une déformation. Hein. Alors, je vais faire une valse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sa préférée, parce que j'adore Joe Priva, j'adore Aimable. Ah, oui. Donc, on va partir avec Joe Priva et Sa préférée. Je suis en train de chercher son nom, je ne me rappelle plus. Il était aimable, mais c'est pas aimable. Trichot. Trichot? Non. Non, non, son nom à Aimable. À Aimable? Vrai, non. Alors là. Ah, je l'ai su, mais bon. Je regarderai sur Internet, je vous le dirai après. Oui, merci. Allez, Sa préférée. C'est parti. Thank you. Et voilà, on a continué donc avec Aimable, c'est Floréal. T'as fini ? C'est fini, mais je peux continuer, je suis venue là pour jouer. Donc, oui, c'est vrai. Quand je commence, je m'arrête plus. Toi, de toute façon, vu le prix que je te paye, tu peux... En plus, je peux y aller. Hein. Oui. On va écouter un passe-double, tu vas me dire qui c'est qui joue. Parce que je sais que t'es très intelligente. Oui. Merci. D'accord. Eh ben c'est moi, je le reconnais tout de suite. Manque de peau, quoi. Eh oui. Adieu, Sylvia. T'as gagné mon amitié. D'accord. Eh bien, Eva Stern, la petite princesse de l'accordéon, là. Je connais une autre princesse qui s'appelle Erika, je ne sais pas si tu la connais. Si, oui, tout à fait. Ouais. La princesse belge de l'accordéon, ouais. C'est pas la même. Là. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors, tu as joué, sans le vouloir, Palme d'or. Oui. Une valse. Une valse, oui. Voilà. D'André Trichot encore, d'ailleurs. André Trichot, oui, bon. C'est le compositeur. Oui, parce que là, j'ai un magnifique disque, mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas les compositeurs, ni. Hein. Ah, alors, oui. J'ai un truc que tu avais d'occasion, sûrement, que tu m'as donné. Ça doit être jour. Ça, ouais. Pour te débarrasser, je vois. Pour ça, me débarrasser, tout à fait. Bon, alors, tu me disais que tu faisais des compositions. Oui, oui, oui. Et tu les joues, bien sûr. Bien sûr, je les joue avec mes musiciens, avec l'orchestre, un petit peu partout, il faut. Oui, parce que toute seule, ça donne pas grand-chose. Oh, même toute seule, ça, on se débrouille, mais c'est vrai que c'est plus sympa quand il y a un batteur, un pianiste. Quand il y a un accompagnement quelconque. Ouais. Alors derrière, je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Oui. J'ai un excellent copain. J'espère qu'il n'a pas de casque sur la tête, parce que je vais dire des choses désagréables. Si, il a un casque. Il a un casque. Un excellent copain qui joue de l'accordéon. Non, c'est pas lui. Oui, oui, c'est lui. Oui, d'accord. C'est lui. Il a fait signe, toi. Alors, il essaie de jouer de l'accordéon, parce qu'il n'a jamais tellement appris, et son métier ne lui permettait pas non plus de jouer, c'était un amateur, pas un sociétaire de la SACEM. Hein. Et d'ailleurs, il est toujours amateur, d'ailleurs. Il est en retraite, mais il est pratiquement pas tellement bon à grand-chose, tu vois. Ah. Ouais, il faut le dire. Alors, j'en profite pendant qu'il a le casque. Il est sympa. Hein. Merci, Bernard. À bientôt. Bon, allez, on t'écoute maintenant, parce que le disque, c'est bien beau, mais il faut que tu joues quand même. Eh bien, je vais vous faire un petit boléro, puisque Solène Zara... Ça m'a surpris que tu fasses un grand boléro. Oui, un petit, voilà. Alors, je vais faire un petit medley, par contre. Je vais commencer avec « Et pourtant » de Charles Aznavour, parce que j'aime beaucoup ce morceau. Et puis ensuite, je ferai une composition à moi, donc juste derrière, qui s'appelle « Pourquoi es-tu parti ?» Ah, d'accord, c'est un hommage. C'est un hommage à celui qui est parti. D'accord. Qui n'a pas voulu rester. Oui, aussi. Voilà. Allez, on t'écoute. Ah, je t'ai coupé le sifflet. T'es coupé, ouais. Allez, on y va. Thank you. Mais voilà. Ah, on peut pas parler tranquillement. Ah, mais je peux continuer, il n'y a pas de problème. Hein. Ah non, non, il ne faut pas continuer. Vous êtes fatigué. Oh. On a écouté un certain Bruno Lorenzoni que tu as peut-être connu. Ah, je l'ai bien connu et j'ai fait des voyages en Corse avec lui. J'ai fait des galas en Corse avec lui. Il m'a invité plusieurs fois. Et c'était un monsieur extraordinaire. Extraordinaire. Tu as remarqué une chose que... Enfin, tu l'as remarqué certainement, que les accordéonistes se finissent tous par « i ». Beaucoup, tout au moins, beaucoup. Beaucoup, c'est vrai, c'est beaucoup, vrai. Musique inique extra aussi, mais ouais. Bruno Lorenzoni, c'est vraiment, c'était un grand monsieur. Il a apporté aussi beaucoup à l'accordéon. Il avait son style à lui et ses compositions, encore maintenant, quoi. La Parisienne à Séville, c'est un grand standard qui est joué par tout le monde. Et il y a des sambas, Doigts de velours, par exemple, qui me vient à l'esprit. C'était vraiment un très bon compositeur, un excellent accordéoniste. Si il avait le cœur sur le main. Je comprends bien. Oui. T'es au courant de tout. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, avec qui j'ai passé des soirées. Arrête les trucs personnels, arrête. Il n'y a rien de personnel, mais c'était un grand monsieur et je l'admirais beaucoup, tout comme Maurice l'Archange, en fait. Ah oui. Et c'est disparu, tout ça. Et malheureusement. J'ai l'impression que m'a dit, elle parle beaucoup à ses petits camarades, ses petits voisins, et discute. Je discute, ouais, oui. Je m'occupe. Des choses bien ? Des choses très très bien, ouais. De musique, on parlait justement. Tu parles de musique avec le monsieur, là ? Ah oui, et j'en apprends beaucoup. Oh, c'est pas vrai ? Oui. Ah, c'est pas vrai. Parce qu'il en connaît ? Il en connaît, oui, il y a plein de gens en commun qu'on connaît, avec qui il a joué, donc... Bernard. Tu m'entends, Bernard ? Je pense que oui. Tu m'entends ? Beaucoup trop. Comment tu m'entends trop ? C'est un reproche, non ? Prends-le comme tu veux, Michel. Ah, je t'entends, je suis content. Je sais pas où tu es, je te vois pas. Il est là, à ma droite. Avec l'informatique, on voit plus rien. Il est près de toi ? Il est à ma droite, oui. Méfie-toi. À côté de ma sœur. Méfie-toi. Pas de ta sœur, mais méfie-toi du gars. Parce qu'il a des antécédents, tu sais, pas brillants. Oh, je pense pas. T'es sûr ? Plutôt certaine, je pense. Méfie-toi. Je te parle en connaissance de cause. Je ferai attention, alors je t'écoute. Fais gaffe. Hein. Je t'écoute. Bah, tu joues quelque chose peut-être. Allez, bah, je joue quelque chose, mais on va partir avec un petit passo doble. Un grand passo doble, pardon. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est une déformation, hein. Ouais. Tous les musiciens ont on va faire un petit morceau, alors que je vais faire un grand morceau parce que je vais en faire deux, je vais les enchaîner. Allons-y. Donc on va commencer avec un passo de Maurice L'Archange. Attends, alors j'ai plus t'as le titre petite, en tête. T'as une petite minute. Tout à fait. Parce que j'ai une pub. Attends, faut que je la trouve. Non, c'est peut-être moi écrit petit. La pub, voilà. J'ai trouvé, je suis content. Bon, super. La direction de Radio Arc-en-Ciel souhaite une bonne année 2019 à tous ses animateurs, à nos adhérents, aux bénévoles, à nos sponsors et à tous les auditeurs. Ainsi qu'à vous, familles. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce qu'il y a de mieux. A todos, bom ano 2019, cheio de prosperidade, amor e saúde. São os votos da vossa mãe para vossos estudos e familiares neste novo ano 2019. Retenez aussi quelques dates à venir pour notre radio. Le 16 février, le bal des amoureux, avec deux chevades autour d'un repas aux chandelles et un bal animé par Energia. Le 27 avril, le bal des œillets avec Johnny Abreu. Début juillet, notre grande fête de la Saint-Jean. Mais aussi, tout au long de l'année, nous aurons des repas à thème dans la salle Espace Arc-en-Ciel. Et puis, des centaines et des milliers d'heures d'émissions en direct, de tous horizons confondus. Pour cela, soutenez notre radio. En l'écoutant, en devenant adhérent, soyez des nôtres. Bonne année, bon ano, un baignage à notre radio. Et à vol, thank you, vraiment. Monsieur. On y va ? On y va, c'est parti pour le passe double, olé. We'll be right back. Et voilà, le passonnable. Oui, mais là, t'as triché, tu comprends. T'en as fait plusieurs. J'en ai fait trois, ouais. Oui. On va écouter ton ami, là, Bruno. Eh bien, allons-y. Les yeux dans les étoiles. Ah, j'arrête une seconde. Oui, c'est ça, ouais. Non, ouais. Bah, j'avais rangé le titre. Oui, voilà, bah, discute. Et discute. Et t'as l'antenne, m'a dit. T'as l'antenne. T'as l'antenne, m'a dit. Oui. Tu discutes avec... Ah bah, je discute, moi. Oui, oh, j'ai remarqué. Tu devais passer le passe-d'eau, alors. Tu fais un petit, aller, tu hein. fais un petit discours. C'est ça. Un petit discours. Un petit. Voilà. Mais j'allais te poser une question, mais ça y est, j'ai bouffé. Ça, ah. Ça reviendra. Thank you. Allez, pendant que notre ami m'a dit Musette de faire un tour dehors, je crois qu'elle était fumée une cigarette peut-être. Je ne dirai pas ça. Non, c'est comme si je n'avais pas dit. On va écouter un accordéoniste qui malheureusement nous a quittés très jeune, c'est Daniel Dorgère, que tu as peut-être connu, non? Non, pas du tout. De toute façon, tu n'as pas l'antenne, tu peux dire ce que tu veux. Et Daniel Dorgère va nous interpréter un morceau très connu. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Sous le soleil marocain, je pense à toi, oh ma jolie, oh pays des riffins, ton souvenir me fait aimer la vie, dans le sable sans fin. Ils s'aimaient d'amour, elle a sans argent. Ils avaient un jour volé ses parents. Elle perd vengeur, loin de pardonner, brisant les deux. Dans le désert de feu, il murmurait des larmes pleines les yeux. Sous le soleil marocain, je pense à lui, à toi, oh ma jolie, oh pays des. Un soir de chagrin, de mal du pays, une lettre vint, disant mon chéri, un bel ange blond, est là dans mes bras, attendant. Jeune maman, partait ses mots vifs follets tendrement. Sous le soleil marocain, adieu, adieu, mon enfant, ma jolie. Sans vous revoir. et des burnous blancs et des coups de feu. Alerte le camp qu'en fermant les yeux, le petit soldat tombe, le cœur troué en voyant. Dans un dernier soupir, qu'il dit encore déjà près de C'est en compagnie d'une autre princesse, la princesse belge de l'accordéon, Erika. Quelques informations. Le dimanche 3 février prochain, à partir de 15h, vous avez rendez-vous avec l'association de 26 loisirs, 26 d'à côté d'Orléans, un après-midi dansant avec l'orchestre François Mazera. À partir de 15h, ouverture des portes 14h30 à la salle polyvalente de 26, prix d'entrée 12€ par personne. Prochain rendez-vous de Petit Bal du samedi soir. Ce sera, j'ai eu Nicolas Violet la semaine dernière, Maddy Buzette aujourd'hui, Elsa Gourdi, que tu connais peut-être, Elsa qui nous vient de, à côté de Bourges, le 16 février prochain. Et le 23 février, l'orchestre complet de Nadine Poulier qui nous vient de Guéret, dans la Creuse. Et entre-temps, dimanche prochain, c'est la galette des rois de Radio Arc-en-Ciel. Faut le dire. Et entre-temps, j'aurai peut-être la visite de mon ami Bernard, qui est à ma gauche. Oui, il est caché derrière les écrans. Il a honte. Il a peur que je l'engueule. Ah bah oui, on est habitué. Bernard, tu viendras nous rendre visite? Réponds au monsieur. Si tu es gentil... Si je suis gentil, bah, tu peux attendre un moment. Si, hein. Surtout si tu es poli. Oh bah alors là... Bon. Tu es poli, son toi quand même. Hein. Oui, son. Oui. D'ailleurs, t'es dans une radio, hein. Son c'est normal. Hein. Tu sais que nous avons une nouvelle secrétaire qui s'appelle Son. Elle s'appelle Sonia, donc elle s'appelle Son, c'est normal. Logique, c'est comme ça qu'on l'embauchait d'ailleurs. Bernard, tu viens quand nous voir? Eh bien, tout dépendra de... Oui, tout dépendra du vent. Non, je sais. Du vent, mais non, mais je dois subir une petite intervention chirurgicale, donc... Enfin, ils vont te soigner le, oui, le cerveau, non? Ils se sont décidés, enfin, mais... Le cerveau? Donc, comme je ne sais pas quand elle aura lieu, donc oui, je suis obligé de... Remarque, je peux t'opérer si tu veux, hein. Oui, ben... J'ai un grand couteau de 40 cm chez moi. Voilà. J'apporte ça la semaine prochaine. Non, mais dès que j'ai la possibilité, je viendrai, Michel. Oui, mais alors toi, pas après des gens comme Maddy Buzette, ah, parce bien que sûr, bien sûr. Ça casse tout. Hein, ça ben vraiment... oui, c'est ça, oui. Ouais. Ta gentillesse me va vraiment droit au cœur, Michel. Ah, j'espère. Ah oui, j'espère. Oui, oui. Merci Bernard de ton intervention. Je ne sais pas si je dois te remercier, moi, par contre. Non, mais c'est pas grave. J'en fais mon deuil, hein. Eh bien voilà, j'ai un rectificatif tout de suite, comme qu'on a écouté Radio Arc-en-Ciel. Hein. En ce qui concerne l'orchestre François Mazera à Vinci, j'ai dit le 3 février à partir de 15h, salle polyvalente, et j'ai oublié de noter une pâtisserie offerte, mais ça c'est normal. 5 heures de danse et pour réservation sur vinciloisirs@gmail.com ou auprès de Monique qui vient de m'appeler avec des reproches, bien évidemment. Je m'y attendais au 06 15 29 55 59. 06 15 29 55 59. Voilà. J'espère que tu reviendras. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah bon, merci. Faut pas faire attention si je dis à ton copain là, de droite là, parce que. Oui, non, mais on discute depuis tout à l'heure, je sais que. Et là, t'as fait connaissance? T'as fait connaissance? Ah oui, oui. Je te plains de tout mon cœur. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'arc-en-ciel en ce moment, il y a plutôt un temps couvert, ouais. Brumeux, neigeux peut-être. Pas encore. Ah, on a été, pas tarder, on a été en alerte jaune depuis hier soir. Ah oui. Sur le Loiret, et surtout sur l'est du Loiret, tu vois. Ça s'est rafraîchi, c'est vrai que ça s'est rafraîchi. Bah, c'est avant-hier, je crois qu'il y avait du verglas. Ici, Thomas. Pas chez nous, en tout cas. Ah bon? On n'est pas très loin. C'est parce que tu t'es levé trop tard. Il était fondu. C'est ça. Bon, je veux que tu fasses plaisir un petit peu. Oui, pas trop bien. Hein? Merci. J'aurais que tu nous joues la célèbre étoile des troubadours de notre ami Roger C. Allez, on y va. Et on fait un bisou à Nicole en passant son épouse. C'est parti. Thank you. Allez, continue. Arc-en-ciel, hein. C'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Alors, une petite info pour les footballeurs portugais, surtout portugais. Normalement, j'ai une émission de sport en portugais qui me suit, mais suite à panne informatique, il n'y aura pas de sport ce soir. On verra ça une autre fois, une autre semaine. C'est pas Robert Monedier qui composait également. Ah, Robert Monedier. Avec Roger Si. Oui, il a composé avec Roger Si. Non, mais les poils des troubadours, je parle. Ah, peut-être bien. Je sais pas, parce que je veux pas dire de bêtises, mais. Surtout CD, mais comme il n'y a pas de compositeur, il me semble. Peut-être. Bon, et puis après tout, principal. Mais je crois que tous les orchestres jouent. Hein. Ah oui, mais c'est un grand standard, hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est un grand standard. Ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, on continuer à faire un quart d'heure de plus, puisque tu es arrivé un quart d'heure en retard, ça t'apprendra. Tu seras au piquet. Tu sais, au piquet, comme à l'école. Bon. Tu étais au piquet quand tu étais plus jeune? Oh non, pas tant que ça. T'es très gentille? J'étais très très gentille. Ah, ouais. Très bagarreuse, donc j'étais beaucoup chez le directeur, mais pas au piquet. Ah bon, ouais. D'accord. Tes parents étaient convoqués assez souvent, parce que je me bagarrais beaucoup. Oui, ouais. Ben, je vois ce que c'est. Eh oui. Il a réussi quand même. Eh oui. Bon, on écoute une petite musique. Rivers of Babylon, la rivière de Babylon. Bon, j'ai quelqu'un qui veut me parler, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Ben, je viens de le mettre pour que tu parles. Il comprend rien. Non, mais c'est pas de sa faute. Il est sorti là pendant une heure de l'asile, je vais le ramener tout à l'heure. Non, mais il répond même pas. Il est incorrect, mais alors à tout point de vue. Hein. T'as un voisin, vraiment. C'est pas prêt d'être un concurrent. Hein. Oh non. Il n'y a pas de concurrence dans la musique. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Non, il n'y a pas de concurrence. Ah, bon, enfin, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Bon, je ne le vois pas du tout comme ça. Chacun a son niveau, chacun a son style. Ah, par contre, voilà. il est à un niveau inférieur. Hein. Oh, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait. Oui. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Les musiciens qui sont en concurrence, pour moi, c'est de la bêtise. Enfin, puisque entre enfin musiciens, on peut s'aider plutôt. Enfin, quelqu'un qui l'apprécie. Moi, j'aime tout le monde, moi. Oui, je sais. Est-ce que tu pourrais me jouer ma symphonie? Est-ce que tu connais ma symphonie? Je connais, oui. Il y a même André Borelli qui le jouait. Oui. Mm. Et tu sais qui a composé? Ah non. Tu sais pas? Non. Eh ben, moi je sais. Et dis-moi. Oui, c'est Jean-Désiré Bailly. D'accord. C'est vrai que c'est un très très beau morceau. Oui. Très joli morceau. Ben, tu vas le jouer? Ah, non, parce que je le joue pas. Ah, tu le joues pas? Non. Ah bon? Ah bon. Je laisse ce soin-là à Borelli. Oui. C'est plus joli à la trompette. Ah, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, mais c'est très joli aussi à la trompette. Il y a la trompette qui manque, toi. Oui, ah. C'est sûr. Bon, eh bien, tu joues à jouer autre chose, hein? Oui, ben, je vais faire un petit tango. Un petit tango que tout le monde connaît. Le tango des fourvettes, non? Non, je vais faire la comparsita. La un compa. Grand standard encore, et je ferai ensuite Pacifico Tango. Eh ben c'est parti, ou ça va partir? C'est parti. Thank you. Allez, on continue. S'il vous plaît. Ça, j'adore les tangos. Voilà. Ah, merde. Hein ? Tu disais que ? Je disais que j'adore les tangos. T'adores les tangos ? J'adore. Bah, chacun son truc. Hein. Ah, chacun son truc, tout à fait. Hein. Moi, j'aime bien le boudin. Mais ah, j'aime bien le boudin aussi. Aussi. Voilà. Ouais. Toi, en étant bretonne. On a les mêmes coups. Ah, oui. Bon, moi, on va se quitter dans un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Je prends la décision personnelle, comme dirait l'autre. Voilà. Pour déborder un peu, puisqu'il n'y a personne derrière nous. Et je signale que la prochaine émission aura lieu ce soir, et ça s'appelle Orient Show, avec Karim, de 20h à 22h. Demain, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, l'accordéon de nos régions, 12h30, 15h, avec Bibi, comme dit l'autre. Et lundi, ben lundi, je travaille les 3 jours. Je fais les 3 jours, après je passe au service militaire. Oui. Lundi, ce sera cocktail coloré entre 14h et 17h. Et en attendant, eh bien, on va écouter quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on va écouter quelque chose avec Daniel Dorgère, Valson au troisième âge de Jean-Désiré Bailly. Au fil des jours, notre vie se déroule comme un grand fleuve courant vers l'océan. Au milieu des joies, des peines et des foules, voyant grandir tous les petits enfants. Mais un beau jour, nos temps petits grisonnent, nous donne le signal des 50 ans. Et comme les fleurs à bord de l'automne, nous laissant doucement passer le temps. C'est la valse du troisième âge qui vient nous jouer ses accords. Quand on ne dormait pas encore, sent que la jeunesse abandonne quand on a passé 64 ans. Comme la feuille aux arbres qui frissonne, voyons partir les amis lentement. Mais revient le printemps qui nous redonne la joie de vivre au retour du beau temps. On n'a que le plaisir que l'on se donne, chantons en cœur sans perdre de temps. C'est la phrase du troisième âge qui vient nous jouer ses accords. Comme maman dans notre jeune âge, quand on ne dormait pas sans tort, elle vient ainsi d'où l'engage. À l'heure où la nature s'endort, vient mamie au bas du village. Dansons là et chantons encore. Laisse venir son succès de richesse lorsque l'on passe les 80 ans. On voit partir en signe de détresse les plaisirs que l'on n'a pas pris au temps. En voyant grand les beaux jours qui nous restent, car on ne sait jamais ce qui nous attend. Quand nous serons au pays des déesses, ce sera terminé et pour longtemps. C'est la phase du troisième âge qui vient nous jouer ses accords. Bien, je fais un appel à tous les organisateurs de thé dansant ou autres, s'ils ont besoin d'une accordéoniste, j'en connais une. C'est pas Yvette Horner, non, elle est décédée, malheureusement. Oui, j'ai fait son hommage à Colombe, d'ailleurs, quand elle est décédée, j'étais appelée par la mairie. Ah, ouais. C'est une très grande dame aussi. C'était une grande dame. Très grande je l'ai vue beaucoup sur le Tour de France, à l'époque. Ouais. Elle était remplacée après par Bernard Marly, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas s'il y a toujours des accordéonistes, d'ailleurs, sur le Tour de France. Je ne pense pas, non. Il y a des vélos, il paraît. Il y a des vélos, ouais. Puis des pédales. Vaut mieux. Il n'y a encore pas adopté le vélo électrique, heureusement. Heureusement, oui. Ouais. Bon, alors, t'as appris beaucoup de choses à discuter avec ton copain, ton voisin, là. Ah ouais, pas mal, ouais. Oui. T'as remarqué, il est musicien. Oui. Ah. Oh. Accordéoniste. Ah bon? Oui. La première nouvelle, non. Et je suis sûre que c'est un très bon accordéoniste. Il a joué avec pas mal de grandes vedettes. Disons qu'il a regardé jouer. Et il a joué aussi avec. Il a un très grand copain que j'ai retrouvé. Ouais. Je dis bien j'ai retrouvé. Ils jouaient au billet ensemble à 8 ans. Et tu le connais. Lui, il a bien tourné, contrairement à celui que je parle. Et je lui ai demandé depuis quelques années qu'il l'appelle. Et puis, ben non, j'ai pas le temps. Je vais y penser, t'inquiète pas. Puis il m'a téléphoné là pas longtemps en me disant j'ai une surprise à t'annoncer. J'ai téléphoné à Pierre André. Ouais. Que tu connais. Ouais. Bon, voilà. Alors donc je dis qu'il a bien tourné lui, puis l'autre il a. Il a mal tourné. Il végète. Voilà. Un petit morceau. Allez, un petit morceau. C'est parti. Je m'y attendais. Eh bien, on va partir avec une petite valse que tout le monde connaît qui s'appelle Indifférence. We'll be right back. Thank you. C'était donc notre ami Erika, Kessy Keno. Et je vais demander quelqu'un qui vient de mettre son casque. Ce sera ma prochaine invitée, ce sera Lisa Gourdi, qui va nous interpréter Roger, tout le monde. Roger. Bon, enfin bref. Je m'en rappelle plus son prénom. Comment j'ai bu? C'est pas avec ce que tu m'as payé, hein? Je sais que c'est façon, là. Vous pouvez le virer de la salle, la pièce, là? Mais qui c'est cet intrus, là? Attends, je m'en vais avec mon micro, c'est grave mieux. Qui c'est cet intrus, là? Il est complètement juré, hein? Mais bon, c'est pas grave. J'ai été infesté par un gilet jaune. Oui? Oui. Je vais demander à monsieur... Oui, lui. Lui. T'as mis ton casque? Je vais te faire écouter quelque chose qui va te rappeler des souvenirs. Elsa Gourdi, ma prochaine invitée, elle va nous interpréter La bourrée de... Voilà. T'as raison, je sais pas ce que t'as dit, mais ça me paraît pas mal. La bourrée de couilles. C'est du soleil plein les oreilles avec Maddy Musette qui va nous quitter dans quelques instants. On laissera la place RDP International en direct du Portugal jusqu'à 20h. À 20h, vous aurez d'autres émissions jusqu'à 2h du matin. Et en direct, bien sûr. Je te remercie d'être venu nous voir. Mais c'est moi qui vous remercie. J'espère que ces jours, tu viendras avec ton mari, peut-être. Oh, Marie, non, je ne pense pas. Ton copain, oui. Même pas, non. Ta copine? Non plus. On ne sait jamais. Non, C'est moderne. C'est moderne, tout à fait. T'as marié avec l'accordéon, point final. Avec l'accordéon, ouais, tout à fait. Voilà. J'espère que tu viendras un jour faire Ah, t'es dans son coin, tu viendras me dire bonjour. Avec grand plaisir. Ah, j'ai fait un appel tout à l'heure pour aux organisateurs, on sait jamais. Avec grand plaisir. J'allais te dire quelque chose, je vais jouer le dernier morceau. Ouais, pas de souci. Ah, et puis je te souhaiterai un bon retour. Merci, ça va aller. Dans ton pays de Briard, à ne pas confondre avec l'autre. Oui, Briard-sur-Essonne. Il y a un air en plus. Il y a un air en plus. Il y a un air de musette. Oui, un air de musette. Oh, je m'excuse, jeu de mots. Bon, alors tu nous joues. Eh ben, on va faire un petit morceau que tout le monde connaît. Pas le chant des adieux, sympa. Pas le chant des adieux. Hein. Non, on va faire Birbarel Polka, c'est un petit morceau plutôt sympathique pour finir. Ok. Thank you. fois merci Maddy et puis Madeleine, pardon. Maddy, Madeleine, hein? C'est pareil, il n'y a ah pas non, de problème. Non, c'est pas pareil, Madeleine, c'est plus, le vrai prénom. C'est le vrai prénom, il ne faut pas te mélanger. Hein. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt, encore une bonne année oui, aux auditeurs, à tout le monde. Et puis, prenez bien soin de vous et puis à bientôt, avec plaisir en tout cas. Je te rendez-vous 2045. Pas de problème. Ça ira. Ah, ça ira. Merci, à merci bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Yeah.